السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le ders de 200 questions-réponses في العقيدة الصحيحة الإسلامية لحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ونواصل من السؤال الثاني بعد الثاني وثلاثين بعد المئة. Donc on poursuit aujourd'hui à partir de la 132e question, toujours concernant le feu et le Jannah, النار والجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ Donc maintenant c'est quoi la preuve que ce Jannah et ce Nar sont éternels et ne disparaîtront jamais? Car c'est une masala qui a été évoquée et certains parmi les gens de science se sont trompés dans cette masala là, même parmi les gens de la Sunna. Il était attribué à certains qu'ils aient dit que le feu finira par s'éteindre un jour. Le Jannah est éternel, mais le feu finira par s'éteindre un jour. Et ce qu'on l'a, il est khata. Zalla kabira. D'accord ? C'est une erreur. قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. À propos du Jannah, Allah il a dit que les gens ils y seront éternellement. Et cela est la victoire immense. At-Tawba, le repentir, verset 100. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Il a dit également dans le sens, et qu'ils n'en seront pas sortis, jamais. C'est-à-dire les gens du Jannah n'en seront plus jamais sortis. Al-Hajar, ou Al-Hijrafwan, verset 48. وَقَالَ تَعَالَى فِيهَا عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ. Un don sans fin. À propos du Jannah, un don continu, perpétuel. Surat Hud, verset 108. Wa qala ta'ala la maktu'atin wa la mamnu'ah. En parlant du Jannah, qu'elle ne sera jamais interrompue et ils n'en seront jamais privés. Les délices qui s'y trouvent. Les gens du Jannah. Wa qala ta'ala إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Il s'agit là de notre subsistance, notre don, qui n'aura jamais de fin, ne cessera jamais. Verset 53 ou 54, sourate Sad. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين. إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. Dans le sens où Allah dit, et que pour les pieux, ils auront un lieu de sécurité. Juste à ce qu'ils disent, et qu'ils n'y goûteront jamais la mort, si ce n'est la première mort, c'est-à-dire que les gens du Jannah mourront en premier lieu en cette dunya, et ensuite, une fois qu'ils entreront au Jannah, ils n'auront plus de mort. Ils y seront éternels. Verset au surat al-Dukhan, affumé, verset 51 à 56. Wa ghayriha min al-ayat fa'akhbara ta'ala bi abadiyatiha wa abadiyat hayat ahliha wa adam inqita'iha wa anhum wa adam khurujihim minha. Ou minha, plutôt écrit minhum, ça aurait été minha. Et d'autres adilla, d'accord, là, il n'y a que certains qui ont été cités, il y en a bien d'autres, qui montrent l'éternité de ce paradis et de la vie des gens qui y seront, sans interruption, et qui n'en sortiront jamais. وكذلك النار. Et le nar, c'est là-dessus que certains ont eu des avis erronés, mais ils ne sont pas nombreux, hein. D'accord. Quant à dire que le feu du nar finira par s'éteindre un jour, après une longue période. Et cet avis-là a été réfuté, et la dilla qui parle justement du feu sont clairs. Pour les gens du feu, éternellement. Les gens du shirk. Et non pas les muwahidines qui seront temporairement, puis en sortiront un jour pour aller au Jannah, pour le tawhid qu'ils avaient. قال الله تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. Si ce n'est la voie de l'enfer où ils seront éternellement. An-Nisa, les femmes, verset 169. En arabe, abadan, ça veut dire toujours. D'accord ? C'est-à-dire dans un futur, dans le futur, ou toujours, ou jamais. Ça dépend de la phrase, si c'est positive ou négative. Quand tu dis par exemple, ça afal zalika abada, je ferai tout le temps cela. Ou taqul, la afalu zalika abada, que je ne ferai jamais cela. D'accord ? Et quand on parle du passé, on dit qat. Ma fa'altu zalika qat, je n'ai jamais fait cela. La différence qui est entre qat et abada. Mais quand vous voyez dans le Coran les versets qui disent Khalidin fiha abada, ça veut dire éternellement, ininterrompu. Et l'un des seuls versets où cela a été interprété, car cela s'oppose à Adillah, c'est sur lorsque là dans le sens il dit wa man yaktul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam khalidin fiha abada. À propos de celui qui tuera un musulman volontairement. Le verset dit que celui qui fera cela sera en enfer éternellement. Et ce verset est interprété par le ulama car il s'oppose à d'autres adillah justement qui disent que la seule chose qui amène à rester au nar éternellement, c'est le shirk. Et tuer un musulman volontairement sans rendre cela halal, cela n'est pas du kufr. Comme le montrent d'autres adillah. Fahimtum? Donc cela a été forcément interprété. C'était obligatoire là. Sans quoi, en dehors de cela, lorsqu'on le voit, le mot Khalidin, Amukhaladan, avec Abadan, cela veut dire une demeure, une résidence éternelle. Wa qala ta'ala inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira Khalidin fiha abada. La yajidouna waliyam wa la nasira. Que Allah a maudit les kuffars et leur a préparé un feu dans lequel ils seront éternellement. Ils n'y trouveront ni alliés ni secoureurs. Les coalisés, versets 64 à 65. Wa qala ta'ala, wa man ya'asillaha wa rasoulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Et quiconque obéit ou désobéit plutôt à Allah et à son messager, aura le feu de l'enfer éternellement. Surat al-Jin, verset 23. Et ce verset-là, la désobéissance qui est citée, c'est la désobéissance majeure. C'est-à-dire celle qui touche au tawhid. Et non pas le fait, car parmi les gens, les khawarij, ou takfiriyun, ils se servent de ce genre de verset pour rendre mécréants les gens qui font des péchés. Et ce verset-là, ils n'ont pas compris sous son sens authentique. Car on a combien de hadiths qui prouvent que celui qui désobéit à son messager, à Allah et à son messager, en étant musulman croyant, qu'il est sous la menace d'un châtiment, mais que cela n'est pas du kufr. Donc ce verset-là, qu'est-ce qu'il veut dire par là qu'il désobéit à Allah et à son messager? C'est-à-dire qu'il refuse d'obéir à Allah dans le tawhid, dans l'islam, et d'obéir à son messager, comme c'est le cas des kuffars, et non pas des musulmans. Wa qala ta'ala, wa ma hum bi kharijina min an-nar, et qu'ils ne sortiront pas du feu. La vache, verset 167. Wa qala ta'ala la yufattaru anhum wa hum fiha aw fihi mublisun. Az-Zukhruf. Wa qala ta'ala la yuqda 'alayhim fayamutu wa yukhaffafu 'anhum min 'adhabiha. Qu'ils ne seront pas achevés, c'est-à-dire les gens du feu ne seront pas achevés pour ne pas qu'ils meurent et que le châtiment ne leur sera pas allégé. Jamais. Fa'atir créateur, verset 36. Wa qala ta'ala, innahum man yati rabbahum mujrima, fa inna lahu jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Quant à celui qui vient, qui rencontrera son Seigneur en étant un criminel, il s'agit de mujrim kafir, il aura le feu de l'enfer, ni il n'y mourra, ni il n'y vivra. C'est-à-dire qu'il ne goûtera pas la saveur de la vie. il sera vivant, mais d'une vie douloureuse et une vie sous le châtiment. D'accord ? Et non pas une vie comme ça qu'on peut connaître fihi dunya. Quelles que soient les affres qu'on connaît en ce bas monde, comme douleur, comme maladie, comme tristesse et comme affliction, cela ne vaut rien du tout, mais rien du tout, mais vraiment rien du tout comparé à ce qui sera ressenti pour les gens du feu. L'homme le plus triste en ce bas monde, le plus affligé, tu mettras au feu, il se considérera comme étant avoir été l'homme le plus heureux dans cette dunya, comparé au châtiment du Nar. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا. Donc dans ces versets, Allah nous informe que les gens du feu, ceux pour qui le feu a été créé et ceux qui eux ont été créés pour le feu, ils seront éternellement. C'est-à-dire les kuffars. فنفت الله خروجهم منها بقوله وما هم بخالدين. Que Allah justement a certes démontré qu'ils ne sortiront pas du feu. Par plusieurs versets. وَنَفَيْتْ كِتَاعَهَا عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ. Et que Allah a bien cité que ce châtiment ne cessera pas, il sera ininterrompu. Dans sa parole, justement, لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ, que le châtiment ne cessera jamais. الْأَعْلَى. Verset 13. Et que Allah également a bien démontré que ce châtiment ne cessera pas. C'est-à-dire que le feu ne disparaîtra pas. Dans la parole où il dit, ni ils n'y mourront, ni ils n'y vivront. En ce feu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم, et quant aux gens du feu, ceux qui sont parmi ces gens, ni ils n'y mourront ni n'y vivront. Ils seront ni morts ni vivants dans le feu, mais sous le supplice, rapporté par Muslim. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيا بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يصبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا لحزنهم وفي لفظ كل خالد فيهما هو فيه. Dans un hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens du paradis seront au paradis et que les gens du feu seront au feu, et là il partira du feu définitif, alors on apportera la mort et on la placera entre le paradis et le feu. Puis elle sera égorgée et de là, une voix appellera en disant « Ô les gens du paradis, plus de mort !» et « Ô vous les gens du feu, plus de mort !» Et de là, les gens du paradis se réjouiront encore plus de la joie qu'ils ressentiront. Quant aux gens du feu, il sentira encore plus de tristesse, la tristesse qu'il ressente. Cela sera encore plus douloureux d'entendre cette parole-là. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a plus d'espoir. Là où vous êtes, vous serez éternellement. Et aujourd'hui, regardez bien, quand vous réfléchissez, quand on parle de l'éternité, ça paraît dur à concevoir. Car c'est une chose qu'on ne connaît pas pour nous. Toute chose a une fin. Mais on doit y croire. Donc ne pas laisser les wasaouis dire comment rester là-dedans éternellement. C'est pas possible. Des fois, ça vient, Shaitan, il vient et met des wasaouis comme ça. À ce moment-là, il faut dire « Amantou bilay wa rasouli ». Repousser ce genre de wasaouis, c'est dire « Je crois en Allah, son messager ». Ces textes, il faut y croire et ne pas en douter un instant. Et cela montre l'importance de la connaissance du tawhid. Quand on voit des gens parmi les gens de l'islam faire preuve de compassion envers des koufars qui font preuve d'actes de gentillesse en apparent. Ils se disent « Comment quelqu'un aussi gentil peut aller au feu éternellement ?» C'est qu'on dit « Tu n'as pas compris le tawhid. » Si jamais tu savais c'était quoi le tawhid, tu saurais que ces gens-là ne l'ont pas accepté et ne l'ont pas appliqué. Et ce tawhid, c'est le don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc aussi gentil soit-il avec toi en ce bas monde, ils ont été les gens les plus injustes envers Allah Azzawajal, celui qui t'a créé. Et qui t'a tout donné. Donc il ne t'est pas permis de faire preuve de compassion envers eux une fois qu'ils sont morts. Ou même dans cette dunya. Si ce n'est qu'en les appelant l'islam. Tu veux être compatissant envers eux? Appelle à l'islam. Et tu vois qu'ils refusent de façon de façon violente ou de façon agressive ou autre, eh ben toi, Harry, tu dois leur rendre l'appareil. Tu ne dois pas être gentil avec eux dans le sens où tu ne dois pas leur montrer de rahma. Quelle rahma je parle? La rahma humaine. Ah, mais la rahma dans ton cœur, que tu souhaites qu'il soit guidé, ça tu peux l'avoir. Mais sinon, lui, c'est pas tu viens, t'es gentil avec lui, doux avec lui, alors que lui te parle mal, il insulte l'islam, les stars-là, il insulte son messager, ça, toi tu viens, t'es gentil et poli avec lui. D'où? Quelqu'un le ferait avec tes parents, t'accepterais pas. Quelqu'un le ferait avec tes amis, tu n'accepterais pas. Tu l'acceptes à quelqu'un qui le fait avec ton créateur, celui pour qui tu vis, et qui t'a créé pour que tu l'adores, tu l'acceptes. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème dans la Aqida. Et vous allez voir que les gens qui vivent au milieu des koufars, ils ont ça en eux. À force de vivre au milieu d'un peuple, tu finis par les aimer. Que tu le veuilles ou non. Donc ce tawhid, quand il est assimilé correctement, les gens du tawhid savent qu'ils sont les koufars. Quelle que soit leur gentillesse, quel que soit leur sourire, quelle que soit leur générosité. D'accord? Tu ne peux aimer quelqu'un qui n'agrée pas et qui n'est pas adepte du tawhid, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si jamais tu l'aimes, tu l'apprécies, quand je l'apprécie, c'est que, tu as des sentiments pour lui non légiférés, c'est que le tawhid n'est pas assimilé. Donc là, il faut que tu aies peur pour toi. Avant même d'avoir peur pour lui, ça se trouve demain, la belle guinée sera meilleure que toi. Mais aie peur pour toi à ce moment-là. Vois ce que tu ressens quand tu es avec des koufars. Et de là, tu sauras où tu en es du tawhid et de la foi. Aussi gentil soit-il. Et kazalik, le contraire, quand tu es avec des croyants, vois comment tu es avec eux, ce que tu ressens à leur présence, et là, tu sauras où tu en es du tawhid et de ton iman, de ta foi. L'alliance et le désaveu. Tu le sauras. Vois comment tu es quand tu es avec les croyants, et là, je ne parle pas forcément de Moutadira, des croyants, même des awam, qui font des péchés. Qu'est-ce que tu ressens en restant avec eux? Et qu'est-ce que tu ressens en restant avec des koufars qui sont très gentils? Là, tu auras devant toi, tu seras sur le fait accompli. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? D'accord? On ne te dit pas d'aimer les péchés ou quoi. On te dit, tu ressens quoi dans cette présence? Pour qui tu as le plus de rage? Envers qui tu as le plus de dégoût? Envers qui tu ressens le plus de haine. Et là, tu sauras où tu en es. وقال في السؤال الثالث والثلاثين بعد المئة. Sans ton troisième question. ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. Donc maintenant, quelles sont les preuves que les croyants voient leur Seigneur dans l'au-delà? Et sachez que cette vision, c'est la récompense ultime pour le croyant. Plus que le Jannah, c'est voir Allah subhanahu wa ta'ala. Le voir de tes propres yeux, d'une vision claire et limpide. Cela est une récompense encore plus haute que de rentrer au Jannah. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Que des visages ce jour-là seront resplendissants, regardant vers leur Seigneur. Al-Qiyama, verset 22 et 23. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Pour ceux qui ont été bienfaisants, ils auront la meilleure des récompenses et bien plus encore. Yunus, verset 26. Et donc là, le husna, la meilleure récompense, c'est le Jannah. Et plus encore, le rajout, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياهم أو وإياكم من هؤلاء. وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. Il dira dans le sens que non, ils seront certes, c'est-à-dire les kuffars, ce jour-là voilés de la vision de leur Seigneur. المطففين فقدوا verset 15. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. Donc là on en déduit par opposition que si Allah Azza wa Jal punit ses ennemis de les prive de sa vision, c'est-à-dire qu'il gratifiera ses alliés de sa vision. C'est le contraire. Sans quoi, où l'intérêt de dire eux n'auront pas cela. Si eux n'auront pas cela, c'est que les autres l'auront. C'est que les autres l'auront. Sinon, ça ne serait cité pour personne. Après, il y a eu un khilaf par rapport au kuffar. Est-ce qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala? Et des hadiths montrent qu'ils le verront. Mais ils le verront d'une vision. Ils ne sont pas une vision d'agrément. Une vision de, qui va leur rajouter encore plus de douleur. Ils n'auront pas la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui est gratifiante, celle qui est la récompense qui est accordée aux croyants. Non. وكا طيب وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14. Donc selon Jarir ibn Abdullah dans les deux recueils authentiques, il dit nous étions assis en compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم et il s'est mis à regarder la lune qui était une nuit, la nuit du 24, ou plutôt 14 à la fois, 14 et 14 d'un mois égérien, c'est la pleine lune. Comme vous savez, le 13, 14 et 15, ce sont les jours de pleine lune. Donc c'est là où la lune est la plus visible et la plus claire. فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ استطعتم أن لا تغربوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم en regardant la lune, certes vous verrez votre Seigneur d'une vision limpide, voyez, de vos propres yeux, tout comme vous voyez cette lune de façon claire. Et si jamais vous pouvez ne pas délaisser la salat avant le lever du soleil, alors faites-le. Ni la salat avant le coucher, alors faites-le. Donc Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'informe bien en parlant à ses compagnons, et cela s'adresse à tous les croyants, qu'ils verront Allah azza wa jal aussi clairement que l'on peut voir la lune un soir de pleine lune. وقوله صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه لرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. Et là, quand le Nabi صلى الله عليه وسلم a comparé justement cette vision, c'est une vision de une comparaison à fois de vision à vision et non pas de visu à visu. C'est-à-dire que ne pas croire comme des gens veulent tromper les autres en disant que les gens de la Sunna comparent Allah à sa créature. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, de la même manière que cette vision de cette lune vous est claire, celle d'Allah azza wa jal vous le sera. Et non pas que vous verrez Allah comme cette lune. Non. Allah azza wa jal ne ressemble pas à la lune. Abadan. Il ne ressemble à rien. Laissez comme misli ishay wa samir basir. Voyez? Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, à propos des croyants qui rentreront au Jannah, wujuhum ka al-kamar. Que les croyants rentreront au paradis et leurs visages seront comme la lune. Ça veut dire quoi? Est-ce que lorsqu'on va rentrer au Jannah, on aura une tête comme une lune? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'une chose aussi claire et aussi limpide que la lune que l'on voit pendant la pleine lune. C'est un comparatif de vision et non pas de visu. D'accord? Bien comprendre le texte. قال وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Et dans le hadith de Suhaib rapporté par Muslim, une partie du hadith, car le hadith est un peu long, il dit que Allah Azza wa Jal dissipera le voile, c'est-à-dire aux gens du paradis, et aucune chose ne leur sera donnée, ne leur sera plus aimée que la vision qu'ils auront de leur Seigneur. Voyez, aucun don ne leur sera plus aimé que cette vision qui leur sera accordée de leur Seigneur. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset, dans le sens où on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui ont été bienfaisants, ils auront la meilleure récompense et plus encore. Donc ce hadith vient interpréter le verset qui montre que wa ziyada, le mot ziyada qui veut dire surplus, rajout, c'est cette vision qui aura lieu fil jannah. Wa fil bab hadith كثيرة صحيحة صليحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا من أكثر من 30 صحابيا. Il dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui parlent de cette vision. Dans son livre سلم الوصول, il dit, nous avons cité 45 hadiths rapportés par plus de 30 sahabis. Donc ça veut dire, ça s'appelle un hadith mutawatir qui a été rapporté par voie multiple. ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب بما أرسل الله به رسله وكان من الذين قال الله عز وجل فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. Quant à ceux qui refusent à dire là, qui refusent de dire qu'on va voir Allah Azza wa Jal, quand je dis on, c'est pas moi dans le sens que j'y serais, on, c'est-à-dire les humains croyants, d'accord, même les djinns, les mukallafoun, parmi les croyants, que on verra Allah Azza wa Jal au Jannah, celui qui refuse cela aura démenti l'épreuve du kitab de la Sunnah et fera partie des gens justement au sujet duquel Allah dit dans le sens que non, ils seront privés ou seront voilés de sa vision ce jour-là. C'est-à-dire, c'est parmi les koufars. Refuser cette vision, d'y croire, cela fait sortir de l'islam. D'accord ? Celui qui dit non, on ne verra pas Allah Azza wa Jal, on dit, bah, tu ne le verras pas, tu seras avec ceux qui ne le verront pas. C'est-à-dire les koufars. Wa li azabillah. Non. Donc voilà le dire ce qu'on a pris aujourd'hui. Il est un peu court, car les questions qui viennent apprennent sont elles un peu longues et doivent être citées les unes à la suite des autres. Donc cela rendrait le dars trop long, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Tayyib, fa'udhakkirukum, inshallah, je vous rappelle pour le rendez-vous de demain, pour la muhadara qui aura lieu à 15h, et non pas 15h30, mais 15h, inshallah ta'ala. On a fait bihada, wa alhamdulillahi rabbil alamin.